trompés, n'a pas être pardonné, que leur rap périsse aux portes de l'enfer, et que cela puisse enfin me libérer, enfin me libérer. Dénuler ma lumière effleure mon astre. Ma lumière et mes pensées pour ceux que j'ai aimés, le bien qu'ils m'ont fait, jamais je ne l'oublierai, que leur rap persiste et m'aide à me relever, que cela me guérisse de mes mauvaises pensées, de mes mauvaises pensées. Mon ombre est là pour atténuer ma lumière, ma lumière éclaire mon astre. Mann des bloß die Menschheit. Man muss der Menschheit unwilligen sein durch Kraft, durch Höhe der Seele, durch Verachtung. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express avec Eric. Metal Express avec Eric. Metal Express, c'est avec Eric sur Radio Heavy Metal. Drop by one, do what they can. The rebel moves up to his own. But